premier temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à la justice et à son histoire, ce lundi, jugé au Moyen-Âge, bien loin des clichés et des idées reçues qu'on peut en avoir. Demain, La Fabrique de l'Histoire abordera la question de l'épuration à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mercredi, nous traiterons de la demande de justice dans des périodes révolutionnaires, mais aussi dans des temps plus ordinaires. Et jeudi, du tribunal pénal international. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le grand plaisir de recevoir Claude Gauvard, professeur d'histoire du Moyen-Âge à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui publiera à la rentrée un grand livre de synthèse, condamné à mort au Moyen-Âge aux éditions des Presses universitaires de France, et Maud Ternon, qui a obtenu le prix Jean Favier pour sa thèse qui vient tout juste d'être publiée dans la collection Le Nœud Gordien aux Presses universitaires de France. Sa thèse s'intitule, et ce livre, Juger les fous au Moyen-Âge. Bonjour Maud Ternon. Bonjour. Merci d'être avec nous et bonjour à vous Claude Gauvard. Bonjour Emmanuel Laurentin. Très heureux de vous recevoir à nouveau dans La Fabrique de l'Histoire, Claude Gauvard. Alors pour un sujet qui est le vôtre en fait, c'est votre sujet depuis combien d'années maintenant? Oh, faut pas le dire. Au moins une trentaine d'années. Oui, un peu plus. Un peu plus d'une trentaine d'années. Une trentaine d'années, oui. Cette question de la justice, de la grâce, de la façon dont le roi, en particulier, et l'État, se construisant au cœur du Moyen-Âge, va prendre en charge cette justice qui était prise en charge par qui auparavant? Écoutez, par des seigneurs d'abord, par l'Église aussi, sur le plan des officialités, ce qu'on appelle les tribunaux ecclésiastiques, les officialités, mais surtout les seigneurs qui avaient le droit de justice, et en particulier de la haute justice pour certains, c'est-à-dire le droit de vie et de mort. Une des questions que l'on peut se poser, c'est ce qu'il reste dans cette justice médiévale de ce vieux droit romain qui est en toile de fond, pourrait-on dire, de ce que l'on pense du droit en général, dans l'Europe occidentale. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Est-ce qu'il y en a des lambeaux? Ou est-ce qu'au contraire, c'est bien plus que cela? Oui, c'est-à-dire qu'il reste... Alors, pendant tout le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire toute la période du 5e au 12e siècle, on va dire grosso modo, on a des lambeaux de droit romain qui subsistent. Et les études actuelles montrent qu'ils sont plus importants qu'on ne le pensait, en particulier dans les mains justement de ceux qui jugent dans les villes, et en particulier des évêques. Mais on va dire que le droit romain, si vous voulez, en tant que code justinien, donc lui oriental, c'est du 6e siècle, c'est pas encore développé en Occident. Il faut attendre le 12e siècle pour qu'il y ait une redécouverte. On prétend qu'elle a été spontanée, comme toujours, n'est-ce pas? Mais on est à Bologne, on est dans les villes italiennes, et on redécouvre le droit romain. Et pour moi, cette redécouverte, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que finalement, la société est arrivée à un point d'évolution qui fait qu'elle a besoin pour se réguler, du droit. Et en particulier au civil. Parce qu'on pense toujours au criminel, mais le civil est beaucoup plus important à l'époque médiévale que le criminel. Donc, on commence à redécouvrir au XIIe siècle les usages du droit romain, et les penseurs, les jurisconsultes italiens migrent vers la Provence, vers Montpellier, qui devient une plaque tournante, en quelque sorte, de la diffusion du droit romain. Qu'est-ce que cette régulation dont vous parlez? On a besoin de régulation, Claude Gauvard. Oui. C'est parce qu'en fait, le territoire est trop émietté au point de vue judiciaire? Non, pour transmettre les biens, par exemple. Par exemple. Oui, y compris pour le droit féodal, dont les chercheurs, et en particulier, je pense à Gérard Giordanengo, ont montré à quel point, si vous voulez, les seigneurs ont utilisé le droit romain pour transmettre leurs biens. On en a besoin pour les dettes, on en a besoin pour tout le commerce. Et par conséquent, avec le développement des villes, et on voit bien pourquoi c'est l'Italie qui commence à l'utiliser, D'abord parce que c'est le pays, d'abord du droit romain au départ, et puis surtout parce que ils en ont besoin et les villes italiennes ont été vraiment les pionnières dans l'utilisation du droit. Mais ce qu'on a découvert aussi et qu'on découvre de mieux en mieux, c'est que le roi de France, qui pourtant prétend conserver la coutume toujours, utilise à ses côtés des jurisconsultes qui ont été formés. Voilà, bien évidemment. Et par conséquent, c'est plus diffusé dans le Nord qu'on ne l'a souvent pensé. Oui, parce qu'on avait une idée à peu près générale qui, pendant longtemps, nous a tenus. Un Nord, effectivement, avec un droit coutumier très fort. Un Sud, effectivement, de la France en particulier ou de l'Europe en général, très marqué par le droit romain. Ce dont on s'aperçoit avec vous, Claude Gauvard, et avec tous ceux qui travaillent depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années autour de ces questions-là, c'est que c'est beaucoup plus intriqué, en fait. Bien sûr. Alors, le grand pionnier sur ces travaux, c'est André Gouron, bien évidemment, qui, justement, alors, à cette phrase que je cite de mémoire, au XIIe siècle, mais ça a été extrêmement rapide. Et il s'interroge même sur les causes de cette rapidité. Il dit que ça s'est diffusé de façon extrêmement à la fois dans le temps et dans l'espace, de façon dilatée. Et je crois qu'il avait bien sûr, raison. Oui, mais cela aussi, ça tient à un travail de, disons, profondeur, tranquille, pourrait-on dire, où le droit romain n'est peut-être pas si oublié qu'on l'a cru pendant un certain temps, et qu'au bout du compte, il finit par réapparaître. Alors, il circulait sous forme de petits résumés, qu'on appelle les épitomées, mais les épitomées, c'est, si vous voulez, quelque chose qui est bon connu, mais c'est quand même pas du droit, c'est pas le code justinien, comprenez? C'est pas cet ensemble, cet arsenal, ce carcan, en quelque sorte. Bon, alors, il faut quand même bien penser que les villes du Midi connaissent la coutume, Jean-Marie Carbas a très bien montré, et les villes du Nord, donc, se teintent de droit romain, et quand on parle des coutumiers, on pense à Philippe de Beaumanoir tout de suite avec les coutumes de Beauvaisis, mais quand vous regardez les coutumiers, ils sont exactement construits sur le digeste ou sur le code, dans leur plan, etc. Donc il sur peut une y avoir, pratique voilà. du droit romain. Alors, c'est, si vous voulez, une assimilation du droit romain avec, quand même, effectivement, les coutumes qui sont là, en particulier, sur quoi j'ai travaillé au pénal, mais au civil aussi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on pense justice, Claude Gauvard, on pense souvent à la question du pénal. Or, vous réintroduisez dans notre début de discussion cette question du civil en disant que pour beaucoup de gens, effectivement, avoir affaire au pénal, c'est relativement rare et que la plupart du temps, si on a besoin de justice, c'est un besoin qui est d'abord dans le civil, en l'occurrence, Claude Gauvard. Oui, tout à fait. Et si vous regardez, si vous allez un jour dans les archives du Parlement de Paris, qu'on peut visiter, eh bien, vous verrez la galerie du Parlement. La galerie du Parlement, c'est impressionnant. Les registres du civil, disons, qui apparaissent au XIIIe siècle, puisque c'est Saint-Louis, c'est le droit, l'appel, le Parlement qui est le tribunal supérieur du royaume. Le civil l'emporte, mais alors largement sur le criminel. Là, on le voit vraiment de façon visuelle. Physique, vous voulez dire. Oui, visible. C'est totalement visible. Et pourquoi? Parce que les biens, les héritages, par conséquent, les transferts, les donations, les ventes, les dettes, tout cela, ça occupe effectivement une grande part du civil. Et très longtemps, d'ailleurs, le civil et le criminel ont été mélangés. Alors, on a bien expliqué combien ça a évolué dans le temps, cette question. Claude Gauvard, on peut expliquer aussi que géographiquement, la place du Parlement de Paris, mais aussi du Châtelet de Paris, a une importance considérable parce que c'est une sorte d'endroit où on donne plus ou moins le là pour le reste du royaume, même si, évidemment, restent des particularités ou des coutumes très particulières. Tout à fait. Le Parlement et le Châtelet. Alors, le Parlement, ça va de soi, c'est une justice d'appel. Donc, le procureur du roi, qui est une sorte de ministère public, qui apparaît avec la grande ordonnance de 1302-1303, donc on est sous Philippe le Bel, grand roi, inventeur de justice. Le Parlement développe, lui, des droits de remontrance, en quelque sorte, sur les juges inférieurs, en leur disant comment il faut faire. Voilà. Comment on doit faire, et en particulier l'avocat du procureur du roi. Le Châtelet, c'est intéressant. Parce que le Châtelet, normalement, c'est le tribunal de la prévôté de Paris. Mmh. C'est-à-dire de cette circonscription qui est comme un bailliage. Et a priori, pourquoi le prévôt de Paris aurait le droit sur l'ensemble? Eh bien, c'est compliqué parce que le Châtelet est un tribunal royal à Paris, où le roi a sa capitale, et le roi justicier, fontaine de toute justice, va développer une alliance très étroite avec le Châtelet, le prévôt de Paris ayant le droit, à partir de 1389, de juger tous les criminels dans l'ensemble du royaume. Autrement dit, il peut ramener à Paris tous ceux qui ont commis un délit grave, et en particulier offensé la majesté du roi. Donc là, on a un tribunal qui est, si vous voulez, une compétence qui surplombe. Non pas universelle, mais en tout cas sur l'ensemble du royaume. Voilà, il surplombe, et du coup, il dit comment il faut faire. Et donc, ces deux instances que sont le Parlement de Paris et le Châtelet de Paris sont très importantes, mais il y a une troisième source sur laquelle, évidemment, vous avez travaillé considérablement, ce sont les lettres de rémission qui permettent à l'historienne que vous êtes, ainsi qu'à Maud Ternon, qui interviendra tout à l'heure, de pouvoir faire des travaux novateurs, justement. Que sont ces lettres de rémission qui demandent grâce au souverain en particulier? Alors, ce sont En cas de condamnation. Voilà, là on est au pénal, on est au criminel. Et on voit apparaître, toujours sous le règne d'ailleurs de Philippe le Bel, la première lettre est de 1304, donc c'est tout à fait intéressant de voir que tout ça est concomitant, d'une part les tribunaux, de l'autre la grâce, justice retenue, puisque c'est le roi lui-même qui décide de gracier le coupable après une requête qui lui est faite en chancellerie. Et donc, et qui est ensuite consignée dans une lettre, scellé et conservé à la chancellerie. Cette série est aussi conservée d'ailleurs aux Archives nationales, c'est la série Double J, assez impressionnante, elle aussi, puisque ça dure, cette grâce, jusqu'à la Révolution française. Cette grâce, elle s'applique, au départ, on en a peu, et puis à partir de, on va dire, 1340, 1350, donc commence... ça va très vite tout de même, ça fait une petite quarantaine d'années, et ça va très vite. Là aussi. Ça va très vite. Ce que j'appelle le temps vivant de la grâce, c'est-à-dire que tous les crimes, y compris les plus terribles, bestialité, sodomie, suicide, infanticide, dans tous ce ces contexte crimes chrétien terribles, du Moyen-Âge, oui, voilà, bien sûr, tous ces crimes très terribles peuvent être graciés par le souverain. Et au départ, il y avait beaucoup de nobles, il y en a toujours plus que des gens ordinaires, mais elle s'applique à l'ensemble de la société. Donc, et quel que soit le lieu, y compris même dans les principautés, qui sont en principe quasiment indépendantes du roi de France. Donc il y a là, c'est une sorte de filet qui se met sur le royaume et qui fait que le roi décide de gracier. Et on voit les sujets, parce que je parle de sujets, la grâce crée la sujétion, ces sujets qui viennent humblement requérir la grâce du roi. Et on voit aussi monter ce pouvoir royal, parce que c'est une question de souveraineté, expliquez-vous, Claude Gauvard, que de pouvoir accorder la grâce. Et à partir de ce moment-là, cela signifie que le roi, vous parliez d'un filet, les mailles du filet se resserrent sur les sujets du roi, qui d'un seul coup ne voit plus que lui comme recours potentiel pour pouvoir se sauver d'une décision de justice. Absolument, y compris dans les seigneuries. Parce que Théoriquement, le souverain n'aurait pas le droit d'y aller, d'émettre la justice. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une certaine façon, les conflits seigneuriaux, paysans, seigneurs, jugés par le seigneur, sont des conflits qui désormais sont traités par la justice royale, alors qu'avant, ils l'étaient par le seigneur sous la forme de transactions. De transactions payantes et longues à négocier. Je crois que la grâce royale a activé la justice. J'ai montré que pour obtenir une lettre de rémission, grosso modo, il faut 6 mois. C'est rien à l'époque. C'est rien. C'est presque rien. Même aujourd'hui. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Alors qu'une transaction, les anthropologues l'ont très bien montré, ça dure des années. Et ça coûte très cher. Alors, il y a dans votre travail, Claude Gauvard, autour de la justice au Moyen-Âge, un tiers, pourrait-on dire, entre celui qui se plaint ou celui qui est accusé. les gens qui le jugent et le roi, il y a le peuple. Oui. Quelle est la place du peuple au milieu de tout cela ? Parce que tout compte fait, le peuple avait des prérogatives, en particulier dans un droit coutumier plus ancien. Il avait des prérogatives, en particulier des hommes libres pouvaient participer au jugement de celui qui avait... C'était la théorie de l'époque carolingienne, voilà. Effectivement. Vous avez entièrement raison. Alors le peuple, du coup, il est à la fois soumis et participant. Soumis sous la forme de la suggestion qu'on vient de décrire. Mais quand même, il reste participant en ce sens que, bon, selon certaines coutumes, il peut même acclamer, c'est le cas en Normandie, mais c'est extrêmement rare, hein, bien évidemment. Il y a un peuple qui est quand même présent parce que il y a des criminels qu'on ne peut pas, comment dire, qui ne peuvent pas échapper à la justice à cause du peuple qui est là et qui dit, ben voilà, ce crime est si horrible où le criminel est un vagabond, donc on peut le condamner à mort. Et puis, il y a le fait inverse, c'est-à-dire que le peuple peut, au dernier moment, dire que la corde est trop courte ou pourrie, que l'échelle n'est pas assez haute pour aller condamner à mort. Ça, je l'ai montré à travers quelques lettres de rémission. Le peuple est là, c'est-à-dire que vox populi, vox dei. Mmh. Vous disiez tout à l'heure qu'on est dans une société chrétienne. Effectivement, le peuple, d'une certaine façon, reste quand même la voix de Dieu. Alors, cette question du peuple est une question débattue et vous faites partie de celles et de ceux qui récemment l'ont remise en jeu, ce peuple, parce qu'on avait considéré qu'il était sorti de cette histoire de la justice au Moyen-Âge et qu'il n'avait plus aucun rôle. On l'avait considéré comme étant une sorte de témoin muet de ce qu'était en train de se passer. Vous montrez dans vos travaux, Claude Gauvard, que ça n'est pas le cas, que ce peuple a une action, certes plus limitée qu'on pouvait l'imaginer plus tôt, en limitée quand même. Plus limitée, mais néanmoins une action justement pour pouvoir pousser des condamnés à être plus condamnés, ou pousser des condamnés à être à avoir une remise de peine d'une certaine façon par rapport à ce qui leur est arrivé. Absolument. Et vous avez quand même quelque chose qui est tout à fait intéressant, me semble-t-il, c'est que même pour les crimes politiques, et là je suis évidemment en porte-à-faux, pour les crimes politiques, on voit les exécutions rentrer dans la ville. C'est sur la place de Grève ou au Halles que se passe l'exécution. Le peuple est appelé comme témoin. Il y a des crieurs qui l'amènent. Alors on dit, bon, il est terrorisé. C'est sans doute vrai. Mais en même temps, il est d'accord. Si on lui a appris que celui qui est condamné est un traître, la traîtrise, dans une société de l'honneur comme est celle du Moyen-Âge... De la femme médiévale. C'est terrible. Donc il est parfaitement capable de comprendre que le roi a raison d'exécuter le traître. Donc il y a, c'est plus subtil, si vous voulez, la présence du peuple est plus subtile que, je pense, cette opposition entre le haut et le bas. Oui, surtout qu'il y a des valeurs, entre guillemets, chrétiennes, comme la valeur de miséricorde. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de la miséricorde, justement, quand on a comme exemple sous les yeux, sur les portails des cathédrales ou ailleurs, dans les exemplats médiévaux, le bon larron? Le bon larron, il est aux côtés et la miséricorde, c'est très important, c'est le fondement de la grâce. C'est le fondement de la grâce. Je gracie parce que je préfère miséricorde à rigueur de justice. Voilà ce que dit le roi. Ou pitié et miséricorde à rigueur de justice. Et il y a une autre pratique qui est restée dans un langage courant, mais dont on ne sait pas très bien ce qu'elle recouvre, c'est l'amende honorable. Donc il y a deux types d'amendes qui sont à l'œuvre dans la société médiévale, et cette amende honorable, vous y êtes beaucoup intéressé, Claude Gauvard. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'elle nous dit justement sur la justice médiévale, cette amende honorable ? Mais écoutez, elle dit plusieurs choses. D'abord... La première chose qu'il faut bien mettre en valeur, c'est que le Parlement lui-même condamne le plus souvent à l'amende honorable. C'est-à-dire que le procureur du roi, dans sa bouche, il va partir de très haut, la peine de mort éventuellement, et on termine par une amende honorable. C'est-à-dire que profitable. Ce que vous voulez dire, c'est que pour un crime très très important, oui, oui. Et vous l'avez démontré dans vos propres travaux, ne signifie pas une peine très importante, enfin une peine très importante du, à l'aune de ce que l'on connaissons aujourd'hui, sûr. C'est-à-dire une peine de détention très longue ou une peine de mort, par exemple. Ça n'est pas souvent le cas et vous étiez vous-même surprise d'une certaine façon en découvrant qu'il y avait cette amende honorable qui faisait office de détournement, pourrait-on dire, par rapport à une peine qu'on aurait pu imaginer beaucoup plus grave. Alors l'amende honorable, c'est le fait d'imposer à celui qui a commis quelque chose, un délit, de venir en chemise, pieds nus, sans ceinture, sans chaperon, se mettre à genoux devant celui qui l'a offensé et crier merci. Bon, que fait le Parlement ? Une chose formidable. Il va développer cette amende honorable en disant qu'il faut d'abord crier merci au roi, avant de crier merci à la personne lésée. Ce qui fait que la justice entre dans le public, en quelque sorte. Elle devient l'affaire du roi. Plutôt qu'une affaire entre privés. Voilà. Parce qu'on pouvait le faire auparavant, mais simplement entre privés. Voilà. Donc, alors quand on me dit que c'est une peine archaïque, je dis mais pas du tout. C'est une peine géniale, au sens de pouvoir, par le biais de la réparation d'honneur, l'attribuer au roi, qui devient ainsi la source de toute justice, effectivement. Et alors, il y a... Alors, ça, c'est très important, me semble-t-il, parce que ça régule dans la paix. Car le but de cette justice, c'est d'abord la paix, puisqu'ils crient merci en disant même qu'ils n'ont pas commis le crime. Donc, à la vérité, vous voyez, elle est un petit peu biaisée, quand même. Hein. Oui, et on va tout de même mettre dans un lieu public, généralement, un souvenir gravé dans la pierre ou gravé dans le métal de cette amende honorable pour en garder la perpétuelle mémoire, Claude Gauvard. Oui. Donc il y a tout de même le souvenir de la faute qui est transmise pour qu'on l'ait sous les yeux. Et mais ça n'est pas, dites-vous, forcément un exemplum. Ça n'est pas simplement comme un exemplum médiéval. Non, mais c'est une justice de la conciliation, quelque part. Vous comprenez ? C'est une justice qui est beaucoup moins rigoureuse, voulant préférer miséricorde à rigueur de justice. Je reviens là, vous voyez, je crois que c'est la clé. C'est pas que la justice n'existe pas, hein. L'opposition, elle est pas entre justice et miséricorde, elle est entre rigueur de justice et miséricorde. Donc c'est une justice de la conciliation, c'est une justice du pardon, c'est une justice qui provoque l'oubli, qui doit provoquer l'oubli. Mais que faites-vous de ce qu'on a en tête quand on pense justice médiévale, le pilori, les fourches patibulaires, les bûchers, les pendaisons qu'on imagine multiples à Montfaucon ou ailleurs? Qu'est-ce que vous faites justement de tout cela? Est-ce que c'est si rare que cela ou est-ce que ça n'est pas rare et ça fait partie de l'arsenal de justice? Non, les fourches patibulaires, elles existent. Hein, et les seigneurs font très attention de temps en temps de les reconstruire. Parce que c'est la preuve de leur puissance. La fourche patibulaire, c'est l'endroit où on va exposer les cadavres. Mais il n'y a pas forcément des corps exposés. Mmh. Hein, voilà, on pourra en reparler, mais je pense que c'est quand même beaucoup moins sanguinaire, beaucoup moins rigoureux qu'on ne l'a imaginé. En revanche, la fourche patibulaire est la marque du pouvoir. Oui. C'est la marque du pouvoir. Et c'est très important, parce que c'est pour ça d'ailleurs souvent qu'elles sont situées aux confins des juridictions, pour bien marquer... Que c'est le début d'une nouvelle juridiction, d'une certaine façon. Exactement. Et donc, effectivement, on va voir se développer tout un tas d'arsenaux juridiques très variés que vous décrivez pour la fin du Moyen-Âge. En l'occurrence, à la fin du Moyen-Âge, dites-vous, ce mot « merci » dans l'amende honorable, j'ai cru comprendre, va être remplacé par un autre mot, c'est ça ? On va généraliser... On dit « merci », mais « merci au roi ». Et merci, le pardon arrive aussi avec le côté chrétien. Eh oui. Oui. Et alors, justement, à la fin du Moyen-Âge, on a un merci qui s'adresse, fin 15e, et surtout au 16e siècle, d'abord à Dieu, puis au roi, puis au Parlement, puis aux tribunaux locaux, puis à la partie lésée. Ah, vous c'est-à-dire qu'on a multiplication. Il y a au départ qu'un seul merci, d'une certaine façon, de demander pardon, mais simplement à une seule personne ou à une famille ou à quelqu'un qu'on a lésé. Et ensuite, on multiplie les niveaux, les échelons. Les échelons. Donc ça me semble être, c'est pour ça que l'amende honorable est vraiment une clé d'explication du développement du pouvoir justicier. Et ce que je crois toujours, et je le dis et je le répète, la justice royale, C'est une construction, et on voit bien, on l'a signalé au début de l'émission, l'importance du droit dans cette affaire, mais aussi de la pratique et des pratiques justicières qui sont des moyens de développer justement ce pouvoir. Alors, vous avez donc dans ces registres à la fois du Parlement de Paris, du Châtelet, mais aussi dans ces lettres de remission, trouvé énormément de noms, énormément de cas, et votre étudiante à qui on va donner la parole tout à l'heure, Maud Ternon aussi, pour son Juger les fous au Moyen-Âge. Il y a énormément de gens qui ressortent de ces archives de vie, d'une certaine façon. Oui. Certaines sont très courtes, très brièvement exposées, d'autres beaucoup plus longues, parce que il y a des témoins qui viennent pour parler de celui qu'on va peut-être condamner à mort, par exemple. Et on trouve, par exemple, des phrases terribles que vous avez repérées, comme « celui prisonnier était digne de mourir comme inutile au monde, c'est à savoir être pendu comme larron ». C'est terrible de dire à quelqu'un qu'il est inutile au monde. On peut donc le pendre, lui, oui, bien sûr, parce qu'il ne sert plus à personne, ou parce qu'il est détaché de la communauté. Bien sûr. Bon, dans ma thèse, qui est maintenant très vieille, puisqu'elle est parue en 91, vous voyez, sur la grâce royale... Pas si vieille que ça. J'ai fait un index avec les noms de ces vies minuscules. Et je tenais à ce qu'il y ait ces noms. C'était comme, si vous voulez, un peu ressusciter ce petit peuple, parce que c'est souvent, dans les lettres de rémission, ce sont des gens du petit peuple. C'était ressusciter et faire revivre un temps ces gens du petit peuple qui avaient été oubliés, alors qu'ils sont conservés dans ces archives double J dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, c'est quand même un côté... Colin l'Enfant, par exemple. Voilà, Colin l'Enfant, Marie Lamugière, oui. Pour parler d'une femme qui s'est suicidée, qui a tenté de se suicider tellement elle était à bout, et dont parlera peut-être justement Maud Ternon, et qu'on dit folle, justement, pour pouvoir l'absoudre. En quelque sorte. Non, c'est donc ce peuple dont vous parliez là aussi, qui m'a beaucoup intéressé et qui fait que c'est cette société qui a de gens inconnus, qui ont des échanges entre eux. Autrement dit, pour moi, il y a le bas avec une existence, il y a le haut et un dialogue entre le haut et le bas, beaucoup plus important qu'on a bien voulu écrire. Oui, et beaucoup plus qui nuance cette vision de ce théâtre de la cruauté que serait le Moyen-Âge, dans une vision évolutionniste de la justice, par exemple, qui aurait imaginé, qui pourrait être imaginé d'ailleurs par Norbert Elias et ceux qui lui ont succédé, à savoir cette idée qu'il y a un process de civilisation, un progrès de la civilisation. Vous êtes évidemment amoureuse du Moyen-Âge sur laquelle vous travaillez depuis si longtemps, Claude Gauvin, et vous ne pensez pas qu'il y a une évolution dans le sens d'une pacification. Il y avait des processus de pacification dans cette société médiévale. Il y avait quelque chose d'un peu particulier. Oui, il y a un processus de pacification tout de même. Les homicides, ça, on le sait, ont quand même baissé. Le taux d'homicide... ont baissé. Du 16e, bien du sûr, 17e siècle. Et au 18e siècle, surtout. Siècle. Moyennant quoi, si vous voulez, il faudrait pas imaginer que tout le monde se tue n'importe comment à l'époque médiévale. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut avoir été provoqué, il faut riposter pour l'honneur. Alors, le problème, c'est l'honneur. Comment a-t-il évolué? Pourquoi a-t-il évolué? Pourquoi la vengeance a-t-elle régressé? Est-ce qu'elle a régressé? Oui, sans doute. Sous ces formes primitives de médiévales. Mais c'est complexe, c'est difficile à expliquer. Et ça n'est pas par une notion de progrès, si vous voulez, c'est pas par ce biais-là, je pense, qu'il faut trouver l'explication. Il faut trouver l'explication sur pourquoi on est passé d'une civilisation de l'honneur à une civilisation telle que nous la connaissons, qui est une civilisation où on n'a pas peur quand même des massacres, des guerres et de leurs conséquences. La guerre médiévale tue beaucoup moins que la guerre contemporaine. Merci Claude Gauvard. On va tout de suite retrouver dans un instant Maud Ternon, votre étudiante qui vient de publier « Juger les fous au Moyen-Âge » dans la collection Le Nœud Gordien aux Presses universitaires de France. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Rebonjour Maud Ternon. Bonjour. Et merci d'être avec nous donc pour évoquer ce livre qui a obtenu, avant même d'être édité en livre, le prix Jean Favier comme prix de thèse. Donc vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure de Lyon, vous êtes agrégée d'histoire et vous avez soutenu votre thèse sous la direction conjointe de Patrick Gilly et de Claude Gauvard sur le traitement judiciaire de la folie au Moyen-Âge. Alors vous reprenez dans les grandes lignes ce qui vient d'être dit par Claude Gauvard, mais vous l'appliquez à un cas particulier, ce cas de la folie, parce qu'il faut définir ce qu'est la folie, il faut savoir qui sont les gens qui définissent cette folie, en l'occurrence au Moyen-Âge, et qui sont les personnes qui ont le droit de juger ceux qui sont qualifiés de fous ou de déments, Maud Ternon. Oui, alors pour aborder la folie, j'ai utilisé le prisme des archives judiciaires, donc ça a tout déterminé dans mon approche. Donc la définition de la folie, là c'est celle qu'en donnent les archives judiciaires, ce qu'écrivent les gens de justice dans les documents qu'ils produisent dans leurs tribunaux. Et puis donc les juges médiévaux, jugent des cas de folie, ça passe par leur regard. Alors ce regard, il est médical ? Non, il n'est pas médical, dites-vous. Il est autre chose. Tout à fait, il est très peu médical. Pourtant, les conceptions médicales de la folie existent à cette période-là. Les médecins médiévaux héritent de tout un ensemble de conceptions depuis l'Antiquité, qui datent de l'Antiquité, qui sont passées par le monde arabe du Moyen-Âge, qui sont ensuite transmises en Occident. Donc, les médecins de la fin du Moyen-Âge ont des notions très élaborées sur les maladies mentales. Et pourtant, on ne voit pas apparaître ça dans les tribunaux. Et donc, on se rend compte que les juges médiévaux s'estiment en fait suffisamment armés pour estimer l'existence de la folie, en utilisant à la fois le sens commun, en fait, les idées qui circulent dans la société, et puis des notions proprement juridiques et judiciaires qui sont assez sommaires, mais à travers lesquelles ils vont observer la maladie mentale. Alors, on croyait connaître la folie à la fin du Moyen-Âge parce qu'on avait tous lu le livre majeur de 1961 de Michel Foucault. Vous expliquez que voilà, c'est une pierre de touche importante, mais que on a largement, en matière historique, dépassé ce que pouvait en dire Michel Foucault. En quoi, justement, et en particulier à partir de cette notion de progrès dont parlait même à l'instant, Claude Gauvard, en quoi ce que disait Michel Foucault sur cette folie à la fin du Moyen-Âge est-il à remettre en cause ou en tout cas à nuancer, Maud Ternon ? Eh bien, il faut se rendre compte que Michel Foucault, pour la fin du Moyen-Âge, a présenté un tableau culturel et pas du tout un tableau social. Donc, il a parlé de l'émergence de la folie comme thème dans les représentations, avec le thème de la nef des fous, donc l'idée d'une navigation des fous qui sont expulsés hors des villes, sur un mode collectif, assez sombre, c'était en fait une vision très romantique. Vision romantique qu'on trouve quand même en couverture de votre livre, en l'occurrence de Jérôme Bosch, parce que effectivement, c'est une vision que l'on en a, c'est la représentation que l'on a, c'est la nef des fous de Jérôme Bosch, Maud Ternon. Mais vous dites, il faut partir du social, en l'occurrence. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a gardé cette image pour la couverture du livre, parce qu'elle est très évocatrice pour le public encore aujourd'hui. Mais il restait à écrire un livre, en tout cas. Il y avait des articles, bien sûr, mais sur une histoire sociale de ce qui est réellement pratiqué au quotidien. Comment est-ce que les familles vivent avec un proche souffrant d'un trouble mental? Comment est-ce que les autorités gèrent ce problème-là? Alors, partons du début. À quoi reconnaît-on un dément, par exemple, au Moyen-Âge ? Quels sont les signes extérieurs qui disent à ses proches, à ses voisins, à ceux qui sont plus éloignés de lui, qu'il ou elle donc appartient à cette sphère qu'on qualifie de folie ou qu'on qualifie de signo-fourroris, par exemple. Alors, la reconnaissance de la folie s'établit sur, disons, un schéma de manière générale, un schéma d'inversion des normes. C'est très basique, hein, et n'importe qui comprendra ça, parce qu'aujourd'hui encore, c'est la même chose. On reconnaît le fou parce qu'il fait n'importe quoi, il fait l'inverse de ce que fait une personne normale. Donc c'est par ses gestes, par ses discours, par ses paroles qu'on reconnaît. Absolument, mais tout à fait. Ça se joue sur ces différents registres-là. Et si on observe une archive du criminel, eh bien on voit des comportements très violents, des discours de délire, des comportements aussi de d'errance, de divagation, des gens qui se mettent nus, qui enlèvent leurs habits, qui donc agressent les autres ou bien s'agressent eux-mêmes aussi. Etc. Et puis un jet de pierre auprès de ses proches, par exemple, peut être considéré comme un alors le jet de pierre tient une place particulière parce que ce motif-là, on le voit apparaître dans le droit romain depuis l'Antiquité. Mmh. Donc en fait, le droit romain dit assez peu de choses précises sur les signes de folie. Hein, il va simplement dire le fou fait ce qu'il ne faut pas faire. Mais on voit ce motif du jet de pierre apparaître dans le droit. Et donc, ça fait quand même partie des signes stéréotypés, effectivement, de folie. Se laisser mourir de faim, ça peut être aussi un signe de folie, se laisser mourir de faim. Oui, tout à fait. Et donc là, on aborde le registre de la mystique. Et on pense à ces femmes mystiques de la fin du Moyen-Âge, qui avaient des comportements alimentaires atypiques, ce qu'on a envie aujourd'hui de rapprocher de l'anorexie. Et ce sont des femmes qui étaient dans la privation de nourriture et dans l'ascèse, une ascèse extrême de manière générale. Et à la fin du Moyen-Âge, ce comportement est critiqué par certains théologiens les plus intellectuels, je dirais, ceux qui ont une formation universitaire élevée. Dénonce ces comportements-là comme étant, comme relevant plus ou moins de la maladie mentale. Alors il y a quelque chose qui peut nous paraître étonnant aujourd'hui, parce que ça ne rentre pas dans les catégories que nous imaginons comme étant proches justement de ce qu'on pourrait qualifier de folie, c'est la prodigalité. La prodigalité ou la folle largesse, vous expliquez dans un long chapitre dans ce livre « Juger les fous au Moyen-Âge » Maud Ternon, que être prodigue, dépenser sans compter son argent, c'est être très proche ou même collé à ce domaine de la folie. Qu'est-ce qui explique cela, Maud Ternon ? Alors, ce qu'il explique, c'est là encore le droit romain. Et on mesure combien la justice de la fin du Moyen-Âge, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est imprégnée de droit romain depuis la plus haute antiquité. Dans le droit romain, on trouve associés la prodigalité et la folie, parce qu'elles font l'objet d'une même procédure, qui est la mise en curatelle, et qui peut être précédée d'une interdiction, d'une sentence d'interdiction, c'est-à-dire que le prodigue se voit interdire par le juge de gérer lui-même ses biens. Parce qu'on est proche de la démence, c'est une sorte de zone intermédiaire entre un état considéré comme normal par la société et un état qui serait considéré comme anormal. On commence à dépenser ses biens, et les biens de sa famille, par exemple, et à partir de ce moment-là, on est sur le chemin de la démence. C'est comme ça que c'est perçu, Maud Ternon ? Eh bien, en tout cas, ça passe par ce filtre de cette association étroite entre folie et prodigalité, qui est présent, donc qu'on retrouve dans les archives de la justice. Donc on voit bien, par conséquent, que les gens du Moyen-Âge associent la dépense excessive à une forme de trouble mental. Et cela dit, c'est très sensible, parce que la dépense, c'est aussi proche d'une grande qualité qui est la largesse, oui. la générosité, qui est une des qualités fondamentales dans l'aristocratie en particulier. Donc, où se situe la limite et la ligne rouge à ne pas dépasser entre la largesse noble et la prodigalité Et dans la prodigalité, on glisse sur la pente qui nous fait tomber effectivement vers la misère, hein, parce que c'est ce qui est craint et c'est ce qui est dénoncé dans les plaidoiries. On craint de tomber dans la misère et même dans la mendicité. Les proches se plaignent que leur parent va devenir un mendiant, un vagabond. Et donc voilà, et là on glisse vers le trouble mental. Oui, alors il y a quand même là-dedans quelque chose de très important, vous l'avez cité, c'est la proximité. Ce sont les proches, la famille proche, qui sont généralement appelés pour pouvoir témoigner de ce qui est en train d'arriver à celui ou à celle qui va être considéré comme fou ou comme folle, mais aussi les voisins qui sont pour beaucoup, et en particulier pour la justice, les meilleurs juge, pourrait-on dire, de l'état de santé mentale de celui ou de celle qui passe en jugement, donc, ou qui demande une grâce dans ces lettres de rémission dont on parlait tout à l'heure avec Claude Gauvard au roi Maud Ternan. Tout à fait. On voit là encore combien sont importants l'entourage, la famille, mais aussi le voisinage et donc le peuple, en fait, de manière générale. Alors, sur le plan criminel, je pensais à cette situation-là quand Claude Gauvard en parlait à l'instant. Lorsqu'un crime très grave est commis, on voit apparaître dans l'archive que le peuple a réagi. Hein, si ça s'est passé en public, par exemple une profanation d'hostie, donc un crime de foi, un crime très grave d'hérésie, la première réaction, c'est celle du peuple qui dit « mais peut-être que cet homme est fou ». Donc avant même que les autorités publiques ne fassent venir leurs sergents, etc., on a cette réaction du peuple qui est consignée dans l'archive judiciaire. Donc peut-être que cet homme est fou et l'appareil justicier va prendre en compte cette réaction. Elle est consignée. Donc ça, c'est pour le criminel. Et puis quand ensuite effectivement l'enquête se déroule, ce sont les voisins qu'on va interroger, hein, pas les proches parents parce que ils sont partis, ils sont trop partie prenante dans l'affaire, mais on va rechercher le témoignage des voisins, ceux qui observent la personne au jour le jour, qui sont les plus à même de témoigner sur ses comportements. Et puis au civil, donc quand on parle de dissipation des biens. Et qu'il s'agit de mettre quelqu'un sous curatelle, eh bien là, il est certain que la famille a un rôle très important à jouer et que la famille va saisir la justice et que le juge va marcher main dans la main avec la famille. C'est-à-dire que la procédure de mise en curatelle, elle est prononcée, c'est certain, par le juge, mais elle est mise au service des familles, de la préservation du patrimoine familial. Donc là, il y a deux institutions, je voudrais dire, en fait, deux institutions, l'institution familiale et l'institution publique, qui fonctionnent ensemble. Alors, il y a aussi des exceptions, pourrait-on dire. Vous expliquez que si on fait jeunesse, par exemple, si on est très jeune, on peut être considéré comme... C'est un écart qu'on peut parfois qualifier comme normal. Si on a 16, 17 ou 18 ou 19 ans, on a fait un acte qui peut être considéré pour quelqu'un d'adulte comme étant un acte de folie, eh bien, on est, d'une certaine façon, exempté de cette accusation, comme... Si on est très vieux, si on est considéré comme dans l'âge de la sénilité, là aussi, il y a donc une façon de ne pas condamner justement celui ou celle qui s'est livré à ces actes qui, pour d'autres, seraient des actes de folie. Absolument, et on revient à ce visage de la justice médiévale qui est très miséricordieux et qui souvent recherche des motifs pour pardonner ou pour atténuer la peine. Et donc le jeune âge est très facilement associé à la simplicité d'esprit, pas forcément à un trouble mental constitué, mais à la simplicité d'esprit. Et effectivement, il y a cette expression typiquement médiévale, faire jeunesse, c'est faire des bêtises, mais on les pardonne, même si elles sont graves, parce que elles viennent d'une personne qui est encore jeune. Et ça peut d'ailleurs aller au-delà des 20 ans. Hein, parce que voilà, dans ces cas-là, on peut étendre l'âge de la jeunesse, ça peut être un peu élastique, ce qui permet au juge de montrer son indulgence. Finalement, les condamnations à mort, dites-vous, les sentences pénales rendues contre les fous sont très rares, expliquez-vous, Maud Ternan. On se demande pourquoi cette sorte d'indulgence pénale vis-à-vis des fous, mais c'est parce qu'en fait, vous expliquez très bien dans votre livre « Juger les fous au Moyen-Âge » qu'il y a, on parlait de filets tout à l'heure avec Claude Gauvard, qu'il y a de très nombreux filets qui, justement, évitent de tomber dans le jugement pénal vis-à-vis de ces fous. Tout à fait. Les crimes commis par des fous sont très rares dans les archives judiciaires. On les voit très peu. Ça représente à peu près 1% seulement des archives judiciaires. Par exemple, des lettres de rémission. Pourquoi cette rareté? Eh bien, parce que le fou ne peut pas en fait être jugé en principe, parce qu'il il n'accède pas au registre de la personne adulte capable, responsable. Donc, il ne peut pas figurer sur la scène du procès. Donc, lorsque le juge s'aperçoit dans les premières étapes du procès que l'accusé est dément, est vraiment un dément constitué. Eh bien, le procès s'annule, le procès n'a pas lieu. Donc, il y a un acquittement qui est donné, comme on dit, de bouche, c'est-à-dire oralement, et le dément est renvoyé. Et où est-il renvoyé? Dans sa famille, au pays, comme on dit alors. Sa famille qui tentera de multiples solutions, des pèlerinages nombreux, que ce soit à Saint-Mathurin à Larchan dans le Gâtinais ou à Saint-Acquaire à Aspre dans le Hainaut. Enfin, on va aller dans des endroits qui sont censés guérir les malades de leur crise donc de folie, et on va aller dans ces endroits-là en pensant qu'ils iront mieux ensuite. C'est ce qui se passera, Maud Ternant? Oui, absolument. Le pèlerinage est largement préféré aux médecins. Dans les archives que j'ai étudiées, je ne vois quasiment jamais apparaître le recours aux médecins, qui était coûteux. Les gens préféraient de loin le recours au pèlerinage, et souvent à des dizaines de kilomètres de là. Donc ça impliquait toute une démarche. 200 kilomètres, dites-vous-même, pour certains d'entre eux. Tout à fait, ça peut aller jusque-là. On emmenait le fou, donc s'il était agité, on l'attachait sur une charrette et on le faisait voyager comme ça. Et arrivé au sanctuaire, de la même manière, il pouvait être attaché. Il était maintenu à proximité des reliques du saint et pendant 9 jours, pour accomplir une novène, on attendait que la proximité du saint agisse. Voilà. Alors, tout de même, on a un cas particulier dans cette fin de Moyen-Âge. C'est un roi qui devient fou, c'est Charles VI, à partir de 1392. Et on se dit, peut-être va-t-elle trouver dans les archives la trace de cette folie du roi qu'on nous a racontée depuis bien longtemps, depuis les historiens du 19e siècle sur le Moyen-Âge. Or, vous n'en trouvez pas une trace très nette, c'est-à-dire dans un changement de législation ou un changement de regard, parce que le roi aurait permis une sorte de révélation, la folie du roi aurait permis une sorte de révélation qui aurait transformé le réel. Ça n'est pas le cas en l'occurrence, Maud Ternant. Voilà, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il est vrai que, comme l'a montré Bernard Guenet, la folie du roi était difficile à dire à cette période-là. Elle n'a pas été beaucoup énoncée, elle était le moins possible énoncée dans le royaume de France. Ça dure longtemps quand même, hein. Et ça dure toute la vie durant de ce roi malade. Ça attentait trop à la dignité de la personne royale, à la couronne. Alors après sa mort, dans le débat politique, notamment avec les pays voisins, ça a pu émerger davantage. On a parlé du problème que posait l'incapacité civile de ce roi, parce qu'il avait signé des traités, où il avait signé un certain nombre d'engagements. Donc était-il valable? Ça, la question a été posée. Mais effectivement, ça n'a pas eu d'influence sur la manière dont les fous au quotidien étaient traités dans le royaume. À la différence de l'Angleterre, expliquez-vous, parce que il y a, enfin, ça n'est pas le cas en Angleterre, mais il y a une vraie différence, et on va conclure sur ce point avec vous, Maud Ternant, entre la façon dont les rois d'Angleterre et les rois de France envisagent leur souveraineté, leur suzeraineté sur les fous de leur royaume. Les rois d'Angleterre ont une véritable, alors je ne sais pas si c'est une compassion supplémentaire, enfin ils ont une tutelle sur leur sujet que n'ont pas les rois de France, expliquez-vous. Oui, absolument. Et je ne pense pas que ça tienne aux valeurs, à la compassion. Ça tient en fait au fondement du droit qui est appliqué dans ces deux royaumes. Parce que le roi d'Angleterre, en tout cas en cette matière-là, mais de manière générale aussi, fonde son pouvoir sur un rapport qui est resté très féodal. Voilà. Sur les fous, eh bien, le roi d'Angleterre s'est approprié une prérogative féodale. qui fait qu'il possède la garde des biens des démons, comme il possède la garde des biens des orphelins de son royaume. Donc il a le droit de faire des grandes enquêtes généralisées, des enquêtes administratives dans l'ensemble de son royaume pour repérer s'il y a des démons. Et en particulier, évidemment, dans la noblesse, il cherche à repérer si des fiefs tombent entre les mains de démons. Dans ce cas, il met la main dessus. Et cette prérogative. En France, avec Charles d'Armagnac aussi. Enfin, c'est un peu la même chose. Mais de manière très différente, sur des fondements très différents, ouais. Parce que ça se fait en France selon les principes du droit romain et non pas selon une prérogative féodale. Donc, en France, ça va passer par le biais d'un procès que le roi, effectivement, peut remporter, mais ce sont des procédures différentes. Merci beaucoup, Maud Ternon, d'être venu présenter le contenu de votre ouvrage, paru dans la collection Le Nœud Gordien, que vous co-dirigez, Claude Gauvard, aux Presses universitaires de France. Donc, se juger les fous au Moyen-Âge, qui est issu de votre thèse dont la direction était assurée par Claude Gauvard ici présente et par Patrick Gilly. On attendra avec impatience votre livre Claude Gauvard à apparaître à la rentrée aux Presses universitaires de France hors collection, donc condamné à mort au Moyen-Âge, qui sera la synthèse, pourrait-on dire, de dizaines d'années de travail sur cette question de... Je l'espère. Ouais, on l'espère aussi, évidemment. On a commencé à y jeter un œil et c'est une synthèse effectivement. Merci à vous Maud Ternon et merci encore Claude Gauvard. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fosati. Clément Daté était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Demain, nous nous poserons une question essentielle. La justice disparaît-elle au lendemain des guerres, et en particulier d'une guerre très dure comme la Seconde Guerre mondiale? Nous traiterons de l'épuration et vous verrez que, d'après les derniers travaux, là aussi, des historiens qui travaillent sur le sujet, eh bien, les idées que l'on se fait de ce qu'était cette épuration sont bien différentes de la réalité retrouvée dans les archives.